بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala cette série de cours spécifiques aux femmes concernant les règles liées aux menstrues, aux lochies et autres. On était arrivé à la parole de l'auteur, le Cheikh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala, lorsqu'il dit faïda fi hukmi as-sufrati wal kudra. Donc des leçons importantes concernant le jugement de des pertes jaunâtres et troubles. Alors il nous explique d'abord ce que c'est. Il nous dit as-sufratu شَيْءٌ كَالصَّدِيدِ يَعْلُوهُ صُفْرَةٌ. Et donc les pertes jaunâtres, c'est quelque chose qui est comme le pu et qui va avoir au-dessus et dont la surface est couverte de couleur jaune. وَالْكُدْرَ شَيْءٌ كلاون الماء الوسخ. Et donc al-kudra, qu'on a traduit par les pertes troubles, c'est quelque chose qui est comme l'eau, qui est comme la couleur de l'eau qui va être sale, al-kadir, qui va être trouble. فإذا خرج من المرأة كدرة أو صفرة في وقت عادتها فإنها تعتبرهما حيضا يأخذان أحكامه السابقة. Et donc lorsque la femme va avoir des pertes jaunes ou brunâtres ou des pertes troubles pendant ses menstrues, alors elle va compter cela comme faisant partie des menstrues. Elle va compter cela comme faisant partie des menstrues. Et ces pertes-là vont avoir le même jugement que les menstrues. Et notamment les jugements qu'on a déjà vus précédemment, lors des cours précédents. Ensuite il dit wa in kharaja min al-mar'ati fi ghayri waqti al-'ada fa innaha la ta'tabiruha shay'an wa ta'tabiru nafsaha tahiran. Par contre, si ces deux liquides ou ces deux formes de perte vont sortir durant une autre période que la période des menstrues, alors à ce moment-là, la personne, la femme, ne tient pas compte de cela. Et elle, donc, se juge comme étant pure. Elle se considère comme étant pure, c'est-à-dire elle n'a pas ses menstrues. Et donc elle va prier, elle va jeûner. لِقَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كُنَّ لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا Rawahu Abu Daoud. Et là, il cite la preuve en se basant sur la parole de Ummi Atiya radiallahu anha, qui dit nous ne tenions pas compte des pertes jaunâtres et troubles après la purification. Et donc, après la purification, la femme qui va avoir, après s'être purifiée de ses menstrues, la femme qui va avoir donc des pertes jaunâtres ou autres, ne va pas tenir compte de ces pertes-là. Elle garde son état de pureté. Hadith rapporté par Abu Daoud. Ici, dans ce hadith, il y a une leçon. C'est parmi les formes de sunan, nous avons les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète nous dit quelque chose, faites ceci ou faites cela, nous avons les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons aussi ce qui s'est passé et qui était connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète a approuvé cela. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas d'accord avec cela, il l'aurait dit. Et donc les femmes ne tenaient pas compte de ces pertes qu'il y avait après la purification, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela. Car Allah tabaraka wa ta'ala n'aurait pas laissé sa communauté dans l'erreur. Et ensuite il dit, le Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, رواه البخاري دون لفظ بعد الطهر وهذا له حكم الرفع عند أهل الحديث لأنه يعتبر تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc il dit, et certes Al-Bukhari a aussi rapporté ce hadith sans dire après la purification. C'est-à-dire que dans la narration de Al-Bukhari, Atiyya, elle dit, nous ne tenions pas compte des pertes jaunes ou des pertes jaunâtres ou troubles, c'est tout. Dans la narration de Bukhari, nous ne tenions pas compte des pertes jaunâtres ou troubles. Dans la narration d'Abu Daoud, nous ne tenions pas compte des pertes jaunâtres ou troubles après la purification. Après la purification. Et donc ici, le Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, et certes, cette parole de Atiyya, a le même jugement que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ceci est considéré comme étant une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a dit précédemment, ceci est considéré comme étant une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si une personne vient nous voir et nous dit, oui mais c'est la parole de Atiyya, c'est pas la parole du prophète. La réponse elle est simple. Atiyya radiallahu anha qui nous dit, nous, à l'époque du prophète, nous ne tenions pas compte. C'est-à-dire que c'était comme ça, c'était répandu. Et donc si cela était faux, Allah tabaraka wa ta'ala aurait informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela afin qu'il réplique. Et le Cheikh Al-Fawzan, il continue, il nous dit wa mafhumuhu an al-qudrata was-sufrata qabla at-tuhri haydun ta'khudhani ahkamahu. Et donc on comprend que les pertes jaunâtres et troubles qui vont venir avant la purification de la femme, ces pertes-là font partie des menstrues et vont avoir le même jugement que les menstrues. Et donc on comprend, barakallahu fikoum, ce qui est très important, c'est que lorsque la femme va avoir ces pertes-là, à un autre moment, donc après ses menstrues justement, après s'être purifiée de ses menstrues, eh bien, elle ne tient pas compte de ces pertes-là. Elle ne tient pas compte de ces pertes-là. Elle reste en état de pureté. Elle va nettoyer ses parties et donc elle fait ses ablutions et prie normalement. Et prie normalement. Tayyib. Ensuite, le cheikh, il nous dit fa'idatun ukhra, une autre leçon. Puisque là maintenant, on veut savoir comment la femme sait qu'elle est pure. Puisque on sait que ces pertes qu'elle va avoir après l'état de pureté ne sont pas prises en compte. Ok, d'accord. Alors comment la femme fait pour savoir qu'elle est en état de pureté ? Mallazi ta'rifu bihi al-mar'atu nihayata haydiha. Qu'est-ce qui va faire que la femme va connaître la fin de ses menstrues ? Ta'rifu dhalika bin qita'i ad-dam wa dhalika bi ahadi 'alamatayn. Et donc la femme, elle connaît la fin de ses menstrues par la donc la cessation, la rupture du sang. Et cela, elle va le connaître par deux signes distincts. Deux signes. Il dit le Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullahu Ta'ala, Al-Alamatul Oula, le premier signe. Nuzulul Qassatil Bayda, wa hiya bi fathil Qaf, ma'un abyadu yatba'ul Hayd, yujbihuma al-jis, wa kod takunu bi ghayri launil bayad. Et donc le premier signe qui montre la fin des menstrues, l'apparition des pertes blanches. Et c'est un liquide qui va être blanc, qui viendra donc après les menstrues, après le sang des menstrues, qui ressemble un peu au liquide du gispe. G-Y-P-S-E. Et il se peut que ce liquide ne soit pas blanc. Il se peut que ce liquide ait une autre couleur que le blanc. Et que donc la couleur va varier en fonction des situations de chaque femme. Et donc, le premier signe, ce sont les pertes blanches. Le deuxième signe, il nous dit El-Djoufouf, la cécité, c'est-à-dire le fait que la femme, donc, il n'y ait plus de liquide dans son vagin. Wahuwa an tudkhila khirkatan ou kupnatan fi farjiha thumma tukhrijuha jaffa laysa alayha shay'un min ad-dam wala min al-kudrati ou as-sufra. C'est-à-dire que la femme, elle va faire rentrer donc un coton ou un torchon dans son vagin, et ensuite elle le sort, et celui-ci donc est sec, ce qui est voulu paraître sec, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, il n'y aura pas sur ce torchon ou coton, il n'y aura pas de sang, ni de perte trouble, ou alors ni de perte jaunâtre. Donc il n'y aura pas de perte de sang ou autre sur ce coton. À partir de là, la femme saura donc qu'elle a donc ses menstrues qui se sont arrêtées. Et donc il faut savoir, barakallahu fikoum, concernant ce qu'a dit le Cheikh Al-Fawzan, les savants sont unanimes. Ils sont unanimes sur le fait que les menstrues de la femme se terminent par l'apparition de ces deux signes. C'est-à-dire que la femme, elle va avoir ses pertes blanches, et ensuite, elle n'aura plus rien. C'est-à-dire, lorsqu'elle va introduire le coton, etc., plus du tout de sang, ou alors plus du tout donc de pertes jaunâtres, ou marron, ou autres. À partir du moment où on a ces deux signes-là, les savants sont unanimes sur le fait qu'elle n'a plus ses menstrues. Lorsqu'on n'a qu'un seul signe, c'est là que les savants divergent. Et la vie le plus juste, barakallahu fikoum, c'est qu'un seul de ces deux signes suffit. Il n'y a pas besoin que la femme ait les deux signes, surtout que parfois, ou souvent même, certaines femmes ne vont pas avoir les deux signes. Parce que ça change d'une femme à une autre. Et d'ailleurs, Aïcha radhiyallahu anha qui dit aux femmes, « La ta'jilna hatta tarayna al-qassata al-bayda. » Ne vous précipitez pas jusqu'à ce que vous voyez les pertes blanches. Et donc, ne vous précipitez pas à penser que les menstrues sont terminées jusqu'à ce que vous voyez les pertes blanches. Ici, elle n'a cité qu'un seul signe. Elle n'a pas cité les deux. Et donc, c'est la preuve qu'un seul des deux signes suffit. Donc, voilà par rapport à ce sujet. Nous, on va faire court aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le cheikh, pour deux raisons. Première raison, c'est que maintenant, c'est moi, j'ai des questions à vous poser. Et que vous allez répondre par mail, Inch'Allahu Ta'ala. Deuxième raison, c'est qu'ensuite le cheikh, après cela, donc, il Il continue sur un autre sujet qui va être lié à celui-ci. C'est qu'est-ce qui est obligatoire à la femme à la fin de ses menstrues. Et cet autre sujet-là, il va nous prendre un cours entier, inshallah ta'ala. Si on le commence maintenant, le cours sera trop long. Donc on va se suffire de ce qui a été cité pour l'instant, et maintenant je vais vous laisser noter les questions. Tout d'abord, avant que vous notiez les questions, parce que les questions, je ne vais pas les noter sur la chaîne Telegram ou ailleurs. Les questions vont rester dans l'audio. Pour celles qui veulent réécouter le cours après, je vais le mettre en ligne, inshallah ta'ala, rapidement, bi'idhnillah. Donc les questions, vous allez pouvoir les réécouter pour celles qui n'auront pas eu le temps de noter. Mais donc les réponses, vous les envoyez à l'adresse l'aïeul du savoir, tout en minuscule, et en minuscule, l'aïeul du savoir. L'aïeul du savoir. Yol, ça s'écrit Y-A-O-L-E. Donc l'aïeul du savoir @gmail.com. L'aïeul du savoir @gmail.com. Première question. Quelle est la preuve concernant le fait que le sang des menstrues, quelle est la preuve concernant le fait que le sang des menstrues se change en lait, se change en lait après l'accouchement? Quelle est la preuve? Donc, première question, quelle est la preuve que le sang des menstrues se change en lait après l'accouchement? Deuxième question. Citez une sagesse concernant la création des menstrues chez la femme. Citez une sagesse concernant le fait qu'Allah ait créé les menstrues chez la femme. Troisième question. Quel est l'âge minimal pour le début des menstrues? Quel est l'âge minimal pour le début des menstrues, des premières menstrues? Et l'âge maximal? Quel est l'âge minimal pour le début des menstrues et l'âge maximal? La question d'après, la quatrième question. La quatrième question, pourquoi est-ce que les hommes sont aussi concernés par le sujet des menstrues? Quatrième question, pourquoi est-ce que les hommes sont aussi concernés par le sujet des menstrues? Cinquième question. Quel est l'avis le plus juste concernant le fait que la femme menstruée touche le mushaf? Quel est l'avis le plus juste concernant le fait que la femme menstruée touche le mushaf? Sixième question. Quel est l'avis le plus juste concernant le fait que la femme menstruée reste à l'intérieur de la mosquée? Quel est l'avis le plus juste concernant le fait que la femme menstruée reste à l'intérieur de la mosquée? Septième question. Quel est l'avis le plus juste concernant le fait que la femme menstruée récite le Coran. Quel est l'avis le plus juste concernant le fait que la femme menstruée récite le Coran? Huitième question. La femme menstruée peut-elle faire ses azkars du matin et du soir? La femme menstruée peut-elle faire ses azkars du matin et du soir? Ensuite, la question d'après. Quelle est la sagesse dans le fait que la femme menstruée doive rattraper ses jours de jeûne, mais ne doivent pas rattraper ses prières? Quelle est la sagesse dans le fait que la femme menstruée doive rattraper ses jours de jeûne et ne doivent pas rattraper ses prières? Et la dernière question, inshallah ta'ala, la dernière question, les pertes jaunâtres ou marron ou rougeâtre que la femme va avoir après s'être purifiée des menstrues, sont-elles considérées comme étant de nouvelles menstrues ou pas? Sont-elles considérées comme étant de nouvelles menstrues ou pas? Donc voilà pour les questions à envoyer, biznillahi ta'ala. Comme j'ai dit, toutes les questions, les réponses, donc à l'adresse layoldusavoir@gmail.com. Par contre, l'adresse, je vais la noter sur la chaîne Telegram, biznillahi ta'ala. Les questions, je ne vais pas les noter. Et veuillez donc noter, biznillahi ta'ala, la kunya, s'il vous plaît, donc biiznillah, afin qu'on puisse vous enregistrer dans le programme, parce que régulièrement je vais poser des questions inshallah ta'ala, et les sœurs, donc, ou la sœur ou le frère, la personne qui aura le plus de bonnes réponses et ayant répondu le plus vite aussi, on va prendre les deux éléments en compte, le temps de réponse ainsi que le nombre de bonnes réponses. Donc la personne qui a répondu le plus souvent et le plus rapidement, correctement, aura inshallah biznillah à la fin cadeau inshallah. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.